bon, sa vie. Et puis là, ensuite, il y a un chapitre qui est sur des faits divers sur les plantes. On y apprend, par exemple, que les saules grandissent très rapidement. Ils peuvent croître sans arrêt pendant 6 mois et gagner jusqu'à 1 mètre en 1 an. Donc, c'est assez phénoménal. Ou bien le petit érable, ça, j'ai trouvé ça particulièrement impressionnant, qui, pour obtenir ses minéraux, doit absorber et relâcher par évaporation plus de 3000 litres d'eau. Donc, on parle d'un camion-citerne où c'est assez d'eau pour faire vivre 25 personnes pendant 1 an. Donc, moi, maintenant, je vois comme plus les petits érables de la même façon. Là, je les trouve assez... Ils sont forts, ces petits érables. Oui, c'est ça. Fait que tout au long du livre, on a différents petits chapitres qui sont des faits comme ça, complètement hallucinant sur les plantes que moi je ne connaissais pas du tout. Et on y revient après à la vie de Dr. Jaren. Donc, je trouve ça intéressant comme rythme de lecture. Et pour revenir à son parcours, donc cette femme est née en 1969 au Minnesota aux États-Unis et elle s'est dirigée vers des études en sciences très jeune, à l'âge de 19 ans. Et puis, elle a ensuite été encouragée par ses mentors à poursuivre des études doctorales qu'elle fait avec passion. Et durant ses études, elle rencontre Bill. Bill, qui est un personnage crucial du livre. Il devient, en fait, son acolyte scientifique tout au long de sa carrière, mais aussi son meilleur ami, dans le fond. Et le livre est un peu aussi une ode à la collaboration, à l'amitié. Et de par ce duo dont on suit les péripéties, puis ensemble, ils ont vraiment fait des découvertes scientifiques incroyables. Mm-hmm. Et tu mentionnais que donc cette professeure, Dr. Jaren, a débuté sa carrière dans des conditions précaires. Est-ce que son lien avec ce Bill a aidé dans le développement du laboratoire? Oui, tout à fait. Puis comme j'ai brièvement mentionné en début d'émission, Dr. Jaren a poursuivi une carrière dans des conditions assez précaires au début. Là, elle a fait des études en cumulant des petits emplois, des bourses. Elle a vraiment dû payer elle-même ses études avec ce qu'elle pouvait trouver. Mm-hmm. Puis ensuite, elle est devenue prof, assez jeune, à l'âge de 26-27 ans. Mm-hmm. Et elle a dû se débrouiller avec très peu de moyens pour établir son laboratoire. Puis Bill a vraiment été à ses côtés depuis les tout débuts. Ils se sont rencontrés pendant qu'elle était aux études. Donc, il a été son premier acolyte de laboratoire, l'a aidé à bâtir un premier labo, littéralement avec les moyens du bord. Mm-hmm. Ils étaient dans une toute petite salle, là, puis ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient. Bill l'a ensuite suivi dans ses déménagements à travers les États-Unis, où elle a rejoint les rangs de différentes universités en tant que professeur. Et lui-même, il a vécu la précarité de plein fouet là, pour faire ça. Okay. Lui, il avait un statut qu'on pourrait un peu qualifier comme les professionnels de recherche. Dans le fond, là, c'est des gens qui travaillent dans les laboratoires, mais ils n'ont pas nécessairement de doctorat ou de statut de professeur. Donc, ils subissent quand même encore plus de précarité que Dr. Jaren, qui, elle, au moins, avait un salaire de professeur. C'est ça. Okay. Puis, à un moment, lui, il en vient même à vivre de manière cachée et plus ou moins légale dans une remise de l'université. Elle a trop pitié de lui. Ensuite, il réussit à se procurer un vieux van dans lequel il vit. Donc, c'est pratiquement une personne sans domicile fixe là, pour faire la science. Et donc, dans le livre, ils vivent toutes sortes de péripéties où, en fait, leur objectif, c'est un peu d'accomplir le plus scientifiquement avec le moins d'argent possible. Entre autres, ils font un road trip dans cette vieille van à travers les États-Unis pour rejoindre une conférence scientifique sur la côte ouest. Mais c'est complètement fou comme projet là, pour une conférence. C'est nous, étant scientifique, quand j'ai une conférence, bon, on prend l'avion, on se fait payer une chambre. T'sais, eux sont là dans leur vieux van dégoûtant à faire un road trip de plusieurs jours. Ils décident de traverser une tempête, finalement, font un accident pratiquement presque fatal sur la route. J'étais comme, mon Dieu, c'est intense. Là. Et justement, Dr. Jaren, puis moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le livre, en profite pour faire un genre de manifeste au sous-financement de la recherche fondamentale aux États-Unis, puis c'est un phénomène qui a lieu aussi dans d'autres pays, dont le Canada, nous expliquant par exemple qu'en 2013, le budget de la NASA, par exemple, était de 17 milliards de dollars américains, tandis que la NSF, qui est la National Science Foundation, avait 7,3 milliards. Donc, on parle 17 milliards, 7,3 milliards pour tous les domaines de la science confondus. Oui, c'est vraiment impressionnant. Ouais, donc ici, on comprend aussi les domaines appliqués. Et là-dedans, la paléobiologie a 6 millions. Mm-hmm. Et là-dedans, il faut comprendre qu'il y a aussi la paléozoologie, la paléobotanique, c'est un paquet de scientifiques. Et Dr. Jaren calcule, bon, si par exemple on finance un seul chercheur par État, ça leur donne 120 000 $ pour un projet de 3 ans. Mm-hmm. Il faut considérer que là-dedans, bon, l'université prend une certaine partie en frais de gestion, il faut payer les salaires, il faut payer le laboratoire, ouais. Fait qu'au final... au final, tu vis dans un van. C'est ça, exactement. Donc, on comprend un peu mieux pourquoi ils vivent toutes sortes de choses comme ça. Ouais, c'est vraiment toute qu'une péripétie. Ça se lit vraiment, comme je peux voir, là, comme un roman. Ouais. Ça prend vraiment beaucoup de persévérance, ça, dans le fond, pour bâtir un programme comme ça, là, dans ce contexte-là. Là. Vraiment. Fait que le livre, j'ai dit une ode à la collaboration, mais aussi une ode à la ténacité, à la résilience. Dans le roman, on entre dans l'univers de Dr. Jaren, où elle exprime une curiosité profonde pour le monde naturel, une passion vive qui l'amène vraiment à un dévouement très intense. Donc ça, c'est quelque chose aussi dans le livre qu'on voit vraiment par période. Elle dort à peine. En fait, elle passe ses nuits au laboratoire, ses fins de semaine au laboratoire. Elle a pratiquement pas de temps libre durant sa jeunesse. La science, c'est vraiment toute sa vie. Et éventuellement, le livre nous amène dans une dimension très personnelle que j'ai trouvée honnête et vraiment courageuse, où elle souffre sur des troubles de santé mentale assez graves qu'elle a eu à un moment de sa vie, qui ont été très difficiles à naviguer avec la pression puis le stress associé à une carrière scientifique. Et bon, éventuellement, dans le livre plus tard, on perçoit qu'elle trouve un meilleur équilibre, elle prend sa santé en main activement, elle fonde une famille, elle découvre les joies de la maternité. Donc, on la voit mieux s'enraciner, mais on sent quand même que derrière, il y a une scientifique extrêmement dévouée tout au long de sa carrière. Et pour ma part, c'est un dévouement qui m'a quand même beaucoup fait réfléchir. C'est un mode de vie très intense et ça fait écho à des discussions quand même très actuelles au sein du monde scientifique actuellement. Il y en a quand même plusieurs de nos jours qui souhaitent un changement de paradigme vers cette vision-là, où est-ce qu'on sent que pour être un bon scientifique, en fait, il faut être comme un peu dans un sacrifice, un don de soi, là, puis que ça soit pratiquement toute notre vie. Donc, le livre m'a comme un peu confrontée. Là. Par moments, je la trouvais comme tellement intense. J'étais genre, mon Dieu, c'est fou. Tu sais, c'est vraiment une vision de la science que, bon, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça actuellement. Puis bien sûr, en science, c'est fondamental d'être persévérant, la ténacité, la capacité au travail intense, ça, c'est essentiel pour une carrière scientifique, mais je pense quand même qu'il faut tracer une ligne pour pas brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, ce roman-là, ce livre-là, confronte et nourrit ce genre de réflexion en lien avec la carrière scientifique. OK, on est un peu là-dedans. Je vois quand même, là, à t'entendre, que ça t'a touché quand même beaucoup, ce livre-là. Puis est-ce que tu peux nous dire exactement, bon, tu nous parles de santé mentale et tout, c'est quoi qui t'a vraiment touché dans ce livre-là? Bien, c'est ça, ces réflexions-là dont je viens de parler m'ont beaucoup touchée, tout ce qui est, bon, le dévouement à la science, l'espèce de don de soi, de sacrifice. Puis, j'ai été très curieuse d'essayer de comprendre à travers les lignes, puis les pages, comment le fait d'être une femme en science a pu influencer l'approche de Dr. Jaren à sa carrière. Et elle nous parle effectivement de plusieurs défis auxquels elle a fait face du fait de son genre, d'être une femme. Et un des défis qui est présent tout au long du livre, tout au long de sa carrière, même quand elle est assez établie, c'est le manque de reconnaissance. Et je me demandais justement comment ça a pu influencer son approche au travail, son intensité, parce que c'est comme un peu le sentiment qu'il faut toujours devoir en faire plus quand t'es une femme. Tu sais, t'as jamais le sentiment d'être réellement perçue comme une experte par les pairs dans ton domaine. Fait qu'on sent tout au long du livre qu'elle veut vraiment comme en faire plus, être intense, parce qu'il faut un peu, quand t'es la seule femme dans un domaine complètement masculin, te prouver encore plus. Il y a aussi le fait d'être insécure en tant que femme dans un univers masculin. Au début de son parcours, elle en va même jusqu'à travailler avec une clé à molette dans sa poche pendant qu'elle passe des nuits au laboratoire, parce qu'elle a peur de certains hommes qu'elle ne connaît pas, qui se promènent dans le laboratoire. Fait qu'il s'en vient jusqu'à des enjeux de sécurité physique, puis des défis associés à être une femme qui vit des choses de femme, comme elle le dit elle-même, c'est-à-dire être enceinte. Elle a vécu d'être la première personne enceinte littéralement dans tout son bâtiment. Il se fait éventuellement empêcher l'accès aux infrastructures de recherche pour différentes raisons, certaines comme bienveillante, mais avec maladresse, ou est-ce que, bon, les gens veulent un peu éviter qu'elle ait des soucis, des accidents de travail, des choses comme ça. Donc, il y a une mm-hmm. certaine bienveillance maladroite, mais elle, c'est un événement qui la déchire profondément, où elle sent qu'elle se fait un peu imposer cette décision-là à laquelle elle n'a pas son mot à mm-hmm. dire. Donc, bref, tout ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est un livre qui, pour un résumé, nous amène dans une panoplie d'émotions, nous fait découvrir la vie secrète des plantes et, bon, ce qu'est d'être une femme mm-hmm. en science, ouais. Ce qu'est d'être un scientifique dans un domaine de sciences fondamentales sous-financé. Donc, c'est vraiment très, très fascinant. Et dis-nous peut-être une chose que tu ne nous as pas précisé, Marianne, en fait, c'est l'âge, en gros, de cette personne-là, de cette docteure Jared, là, c'est actuel. C'est pas quelque chose qu'elle raconte et qui s'est passé il y a 50 ans, là, c'est en ce moment. Non, c'est ça. Docteur Jared est actuellement professeur maintenant en Scandinavie. Okay. Puis, elle est dans une carrière très active. Donc, c'est des enjeux assez récents. Là, on parle Exactement. Pas de des centaines d'années du tout, là. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce qu'on imagine qu'il y a d'autres femmes en science qui partagent ces mêmes insécurités, ces mêmes questionnements. Puis, je dirais aussi que souvent, bon, les avancées au niveau des femmes dans différents milieux, souvent, ben, ça va aider aussi les hommes qui sont dans, tu sais, qui ont une certaine culture. Des fois, ça va aider justement à ce que les hommes, ben, prennent plus leur place au niveau avec les enfants, etc. Oui, tout à fait. Souvent, là, tu sais, ça suit. Ben, merci beaucoup, Marianne. Merci. On voit que ça t'a touché, ce livre-là. C'est vraiment intéressant.